Chapitre 13. Au bout de la première semaine, le bruit de la fin prochaine du monde s'étant répandu au-delà du village où était le couvent, loin dans la campagne, jusqu'aux villes et aux châteaux, une quantité de gens de toutes sortes arrivèrent, qui apportaient au couvent les dépouilles de leur existence. Ils prétendaient ainsi montrer leur abandonnement volontaire aux intentions divines, leur consentement qui allait, pour ainsi dire, à une approbation manifeste. Et, songeait le frère Siméon, ils ont raison de consentir, et s'ils n'approuvaient pas la toute-puissance, ils ne modifieraient pas son projet. Le premier qui vint, gros châtelain des environs, apportait dans une charrette ce qu'il possédait en fait de monnaie d'or et d'argent. C'était un homme qui n'avait jamais donné un denier à personne, ayant le goût de thésauriser. Vidé ses coffres, il donnait pour la première fois de sa vie, et la dernière, ce qu'il aimait plus que la vie. Le frère Siméon lui demanda « Au moins, gardez-vous de quoi vivre de semaine encore ?» Le châtelain fit un geste vague, un geste qui lui était nouveau et dont ses mains n'avaient pas l'habitude. Pareillement, il esquissa un sourire que ses lèvres ignoraient jusqu'alors. Le sourire et le geste, pour indiquer l'indifférence, et une espèce de bohème, où il lançait l'imagination de sa destinée. Son visage était d'un homme attentif au calcul de la cupidité. Ses mains ne savaient pas s'écarter de l'étroit espace qu'on a devant soi pour compter, essayer, peser les pièces de tout métal. Et sa voix n'eut pas beaucoup d'accent, mais il dit « Qu'importe ?» Le frère Siméon murmura « Poète !» Et pour taquiner cet avare ou l'éprouver, il ajouta « Nous allons distribuer cela, messire, à de pauvres gens qui sont ici, à d'autres qui viendront sans doute. » Mais renfrogné, l'avare objecta « Qu'en feront-ils »« Ce que vous en faisiez. »« Je le gardais. »« Ils le garderont. »« Ils vont mourir. »« Et vous ?» Le châtelain ne put dissimuler que l'éparpillement de sa monnaie lui coûtait plus que de la donner, en l'état de trésor amassé, complet, parfait. Le frère Siméon lui voulut épargner un sacrifice de surcroît, le sacrifice d'une manie. « Allons, dit-il, nous mettrons dans le cellier ce trésor inutile, entre deux barriques d'un vin, qui a vieilli vainement, et qui n'égayera personne désormais. »« Et vous y veillerez ?»« Nonchalamment, répondit le frère Siméon, impatienté. » Il vint des gens d'épée, des gens de robe, des gens de rien, des seigneurs, des paysans, de bonnes femmes, des filles folles. Tout cela en foule de plus en plus dense à la file, battait une coulpe fervente et, en gage de dure sincérité, apportait son avoir, tout son avoir, l'abandonnait, le dédiait à Dieu, par l'intermédiaire des moines. Ébaubi, le frère Siméon regardait le cortège, analogue à celui des bergers et des mages. Mais ceux-là, les bergers et les mages, une étoile obligeante les avait guidés à la vie nouvelle. Ceci, la comète, mauvaise étoile, leur annonçait le désastre de la vie. Des serviteurs et des ânons, chargés de cadeaux, affluèrent. Il y avait des sacs bandés d'or et d'argent, des étoffes de soie, des parures brodées. Il y avait des colliers d'ambre et des statues de marbre. Il y avait Romulus et Rémus en oricalque. Il y avait en ivoire Vénus, les cheveux en or. Il y avait sur des parchemins le dessin colorié des demeures et des domaines et l'acte écrit des donations ou des emplettes. Il y avait les titres de noblesse et les actes qui attestent l'ancienneté des familles. Il y avait aussi les menus objets qui sont tout ce que les misérables possèdent. Et l'on eût dit d'un immense déménagement. L'opulence ou la moindre fortune, la pauvreté même, portée ailleurs et à destination du néant. Le frère Siméon s'en attristait, malgré une espèce d'humeur plaisante, mêlée de quelques railleries que lui suggéraient par moments l'air ou piteux ou emphatique des bénévoles donateurs. Son habitude monacale de ne rien posséder lui rendait petite et facile une abnégation qu'il voyait qui était pénible au futile propriétaire. Il n'estimait pas beaucoup leur désintéressement qu'il avait tous les jours de sa vie surpassé, en n'ayant même pas le désir de ce qui leur plaisait maintenant, du regret. Le regret lui paraissait dérisoire. Une idée le séduisit d'une façon qu'il y céda, de proposer à certains donateurs un vif témoignage de leur renoncement. L'on brûlerait tous les documents d'orgueil et de lucre, les diplômes et les quittances. Au point, disait-il, où sont vos baronnies ou vos comtés, au point où est votre espérance d'une prospérité future. Les uns par véritable indifférence, et les autres, afin d'éviter la moquerie, consentirent qu'on alluma, dans la cour d'allée du couvent, un grand feu de ces glorieuses ou précieuses misères. Un poète jeta dans le brasier le poème qu'il avait commencé naguère, et qu'il achèverait au ciel, si l'on peut imaginer que les muses soient, au paradis chrétien, remplacées par les anges, qui inspirait peut-être Saint-Nazaire, ainsi qu'au temps des païens. Elle dictait à Virgile ses plus beaux vers. Le frère Siméon fut à l'offrande du poème plus sensible qu'à celle de viles écritures. « C'est, pensa-t-il, que je suis de lignée humble et n'eus jamais d'argent, mais la poésie aurait pu me tenter. Comme ces gens admirent leurs sacrifices, je dédaigne surtout ceux qui ne me coûteraient pas. En quoi je blesse la charité, sans doute, et la raison. Pourtant la foule des donateurs, infatuée de leur prodigalité, l'amusa, en dépit du reproche qu'ils s'en faisaient, et il leur disait à part lui « Vous donnez ce qui aussi bien vous échappe. Si le monde finit comme il y a le plus d'apparence et comme, en tout cas, vous le croyez, à quoi renoncez-vous, tardif donateur, troulant hier et maintenant ému d'un entrain quasi drôle, donateur de néant ?» Une meilleure estimation des choses et plus aimable fit que bientôt, se ravisant, il ajouta « Mais vous donnez, pauvre petit, et grand plus petit que vous ne croyez, vous donnez tout ce qui était votre attache à la terre. Vous donnez ce qui vous restait, ce n'était quasi rien, vous le donnez cependant. Puissiez-vous être ainsi plus léger dans les mains des anges ?